Comme elle avait trois quarts d'heure de trajet pour entrer chez elle et que personne ne l'attendait, ils mangeaient ensemble le midi et commençaient à prendre leurs aises au restaurant du quartier, surtout le vendredi, sous prétexte d'aïoli. Amélie eut au fait de comprendre que Marcel puisait dans la présence d'Annette une réconfortante complicité qui lui avait fait défaut, un élan nouveau dans sa vie de solitaire. Elle se joignait parfois à eux, sous des prétextes futiles, pour partager des repas devenus conviviaux. Bernard voyait d'un mauvais œil cette intruse qui s'incrustait chaque jour davantage auprès de son père, comprenant difficilement qu'il abandonne peu à peu à Annette la place qu'occupait hier encore sa propre mère. Les atermoiements compréhensifs de Josie n'y faisaient rien. Au contraire, ils ne réussissaient qu'à les dresser l'un contre l'autre. Le jeune couple avait pratiquement rompu les ponts avec la rue des Acacias, excepté que de temps à autre, la belle-fille appelait longuement son beau-père en cachette pour avoir des nouvelles, depuis le jour où, par hasard, elle l'avait rencontré en ville. Ils avaient beaucoup parlé, à l'intérieur d'un café du cours Belzance, de tout, de rien, mais la jeune femme l'avait trouvé très positivement changé, visiblement sous l'influence de la chaleureuse Annette.